Faire les hommes, c'est la plus belle idée. C'est mon combat, chaque petit pas pour l'âme est un immense pas pour l'humanité. Besoin d'un peu d'encre et d'un son relaxant. Trêve de guerre, ce soir c'est sur la paix que j'aimerais remettre l'accent. Quelques rêves et de l'espoir dans mon bagage à main. J'ai choisi d'y croire encore, parce qu'après tout ça n'engage à rien. De la douceur dans un monde un peu brutal, comme une onde un peu légère pour chasser cette odeur de butane. Marre de voir la vie comme un tournoi, posé sur un banc, j'observe les gens qui défilent et les feuilles qui tournoient. Le rythme est fatigant, l'argent domine, on aime s'envoyer des fleurs, mais elles ne poussent pas sur les champs de mine. Le vrai bonheur n'a pas d'adresse, j'ai plein de raisons d'y croire, chaque jour je suis le chemin que le destin m'indiquera. La terre c'est mon air de jeu. Simba chantait qu'il voulait déjà être roi, moi je voudrais déjà être heureux. Vivre tous mes rêves en 4K, trouver mon plaisir dans les choses ordinaires. Un thé vert et du 4K, des perles rares, j'en ai déjà 1000. La vie c'est pas sorcier, j'ai pu m'en rendre compte avec Fred et Jamie. Je mets du baume au cœur pour que les jours soient parfumés. Me dis pas qu'on n'a plus d'échappatoire à parfumer. Pendant qu'on sème le vent, les arbres sèment de l'ordre. Alors parfois, je préfère la compagnie de la nature à celle de l'homme. J'aime la voir se parer de nouvelles couleurs. L'occasion pour nous de nous séparer de nos vieilles colères. Ouais, la mer m'inspire, j'écris des tirades balnéaires. Pendant que dehors ça tire à balles réelles. Rien de plus apaisant que le silence du matin naissant. Quand le niveau d'indécence devient indécent. Fanatique éternel des grands espaces. La sérénité s'empare de mon anxiété dès qu'un arc-en-ciel passe. Tout me rappelle que l'ombre est vitale en fait. L'aube est plus belle quand les nuages s'invitent à la fête. J'aimerais voir le calme éclore, les débats stériles se clore. Faire ma part pour le globe et chasser les relents de chlore. Tant de leçons subtiles données par la faune et la flore. Pourtant le monde se contente de regarder faner les fleurs. Le ciel prend la couleur du miel, je me pose et tous mes nerfs s'éveillent. Plus d'inquiétude, la mère nature me perd, s'éveille. Hey, je cours après l'ébriété, celle qui te transporte et t'émerveille. Quand le soleil brille l'été, la liberté m'appelle. J'entends bien vivre au grand air, quitte à devoir réduire internet et ma paye. Quelques rimes inoffensives dans mon fusil. Le projet c'est marquer mon époque, puis partir vers le mont Fuji. Je veux la paix des vôtres et je veux la paix des miens. Puis quand le clap de fin retentira, j'aimerais vous voir clapper des mains. Thank you.